بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 59 بعد المئة، صفقة نجم حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أم عتية الأنصارية نصيبة رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. Donc أم عتية الأنصارية رضي الله عنها a dit que nous a été interdit, c'est-à-dire à nos femmes, de suivre le cortège funéraire, sans pour autant que cela soit une interdiction qui soit ferme. يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين الراوي rapporteur c'est أم عتية الأنصارية نصيبة dont on a déjà parlé auparavant. موضوع الحديث sujet du hadith بيان حكم اتباع المرأة للجنائز le jugement hein, qu'en est-il que la femme suive les janaïs. يقول في الشرح الإجمالي تخبر أم عتية الأنصارية رضي الله عنها أن النساء نهينا عن اتباع الجنائز لأن خروجهن يؤدي إلى الفتنة والهرع والحزن بما يشاهدنا من الجنازة هل حملها ودفنها والانصراف عنها. Donc Umm Atiya informe que les femmes leur étaient interdites de suivre les janazas car leur sortie justement amène à une tentation et également amène à de la grande tristesse qu'elles pourraient justement ressentir en regardant cette janaza, car les femmes sont plus sensibles que les hommes. Et au moment où on transporte le corps, et au moment où on l'enterre, et lorsque l'on s'en va, cela sera plus difficile pour elles. Il est anna Umm Atiya radiallahu anha fahimat an an-nahi laysa min azaim al-manhiyat allati la budda min ijtinabiha wa inma huwa an-nahi tanzih lanahu zari'atu ila al-wuqu' fima la yajuzu min an-nadab والنياحه وتعرض للفتنه المبعده عن التفكير عن التذكر والاعتبار في هذه الحال. Sauf que Umm Atiya a compris de cette interdiction qu'elle n'était pas une interdiction ferme, mais plutôt une interdiction de un côté détestable. D'accord ? Ce n'était pas une chose qu'il aurait interdit dans l'absolu. Du fait que cela amène justement à ce qui n'est pas permis pour elle, comme le fait justement de se rebeller, de crier et de pleurer fort et autre que cela. Et également, cela amène à une fitna qui pourrait éloigner de la méditation et de la considération à prendre lors de cette situation qui est celle de l'enterrement, qui est un moment de rappel, un moment de recueil. Naam. يقول من فوائد الحديث أصنمان دي حديث نهي النساء عن اتباع الجنائز سواء لمكان الصلاة أو المقبرة qui n'est pas permis aux femmes de suivre les janazas qu'il s'agisse du lieu de la salat ou alors de du cimetière on va dire. ثانيا أن النهي عنه للتنزيه ما لم يتحقق فيه المفسدة فيكون حراما حينئذ. Et que l'interdiction c'est juste du côté détestable pour ne pas que justement un mal en découle. Car si un mal en découle, ça devient à ce moment-là illicite, vraiment. Thalithan, an an-nahi shar' yanqasimu ila azimati tulzamu ijtinab al-manhi anhu wa huwa al-asl wa ila tanzih yutlabu fi ijtinab al-manhi anhu bidun ilzam. Et que justement l'interdiction en religion est de deux sortes, celle qui est l'interdiction du côté illicite qui impose d'éviter la chose interdite et l'autre qui est une interdiction avec un côté détestable qui, elle, on va dire, désire de s'éloigner de cette chose interdite sans pour autant que cela soit dans l'absolu et que cela soit illicite en soi. Naam. Fa'adha al-lazi akhadna al-yawm min al-hadith wa alhamdulillah bil alamin.